France Inter. Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, à l'occasion le 21 février de la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian, Missak Manouchian au nom des autres. Ils s'appellent Vichitz, Rayman, Alfonso, Manouchian, Vachebrot, des noms et des visages qu'en février 1944, les Français découvrent sur la célèbre affiche rouge, placardée par les nazis pour effrayer la population. Ces condamnés à mort sont jeunes, souvent très jeunes, étrangers pour la plupart. Fuyant les persécutions anti-juives et le fascisme, ils étaient arrivés en France plein d'espoir en la patrie des droits de l'homme. Mais quand en 1940, elle a été envahie par les nazis et l'URSS à son tour l'année suivante, ces jeunes communistes n'ont pas hésité à prendre les armes. Sabotage, déraillement de train, exécution de militaires nazis, d'une audace folle, ces résistants des FTP Moy, la main-d'œuvre immigrée, commettent en 1943 en région parisienne pas moins de 92 attentats en l'espace de 6 mois. Une provocation insupportable pour les polices françaises et allemandes qui, en novembre, réussissent à arrêter ces résistants et à les faire condamner à mort. Les noms de ces héros morts pour la France ont longtemps été oubliés, voire occultés. C'est à travers les yeux du chef de ce réseau que je vais raconter leur histoire, Missak Manouchian, poète et résistant. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Anna Viorca, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire des Juifs au XXe siècle, l'auteur notamment, pour le sujet qui nous intéresse ce soir, d'un livre sur la résistance juive et communiste en France. Alors l'histoire des résistants FTP MOI est restée longtemps une histoire méconnue, et si on la connaît un peu, si on connaît un peu au moins celle du réseau Manouchian, c'est bizarrement grâce à l'affiche rouge. Oui, on peut dire que c'est en fait la propagande nazie qui a mis en lumière à la fois des hommes, Manouchian bien sûr, mais aussi Rayman, et c'est eux qui les ont fait en quelque sorte entrer dans l'histoire. On a quelque chose de très paradoxal, et c'est parce qu'au moment où, dans les années 50, on inaugurait une rue à leur nom, enfin au nom du groupe, dans le 20e arrondissement, que Aragon a écrit son fameux poème, qui ensuite a été mis en chanson par Léo Ferré. On va l'entendre tout à l'heure. Et on peut dire que c'est cela qui a mis en lumière la lutte de ces hommes, de ces femmes aussi, même si aucune ne figure sur l'affiche rouge, parce que les nazis n'exécutaient pas les femmes en France, mais les déportaient dans des prisons allemandes où elles étaient décapitées. Donc, Traitement de faveur. Donc, c'est cette histoire. Et elle a commencé vraiment à être écrite que dans les années 80, après la sortie d'un film qui a suscité une polémique qui a duré mais des semaines et des semaines, des polémiques comme on n'en connaît plus aujourd'hui. Donc c'est le film de Moscou-Boukho, des terroristes à la retraite, qui mettait pour la première fois en scène, on a vu les survivants, on a vu ces étrangers qui parlaient mal français, et ça a été vraiment quelque chose de très bouleversant. Vous-même, vous dites Manouchian ? Non, je pense, on peut dire Manouchian, je n'ai pas une religion là-dessus. Je parle arménien, donc c'est un nom en yan, donc un nom arménien. D'accord. Alors, avant de raconter l'histoire de l'engagement de Missak Manouchian, pouvez-vous, Anna Viorca, nous rappeler ce que sont les FTP-MOI ? Alors d'abord, très rapidement, il faut expliquer ce qu'est la MOI, la main-d'œuvre immigrée, qui a d'abord été la MOE, la main-d'œuvre étrangère. La France, dans les années 20, a vu arriver un nombre de migrants économiques considérables, notamment des Polonais, dans les mines du Nord et d'autres mines, des Italiens, mais aussi dans le sud de la France, des Espagnols. Et le Parti communiste s'est retrouvé devant le désir d'organiser aussi ses ouvriers étrangers. Et il a créé donc la MOE, qui est devenue la MOI. Donc c'est une section du Parti communiste. C'était donc des sections de langue, du Parti communiste. Il y avait la section de langue hongroise, de langue polonaise, pour les juifs, de langue yiddish. Et ce sont ces sous-sections qui ont fait la MOI. Le deuxième terme, qui est le terme de FDP. Quand la France est envahie, en 1940, il y a le pacte germano-soviétique, que le Parti communiste suit, grosso modo, fidèlement. Oui, ça donc, signifie... faut expliquer, donc, c'est qu'il y a un accord entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique de non-agression qui a été signé en août 1939 et qui va tenir jusqu'à l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands en juin 1941. Et dans toute cette période de 40 à juin 41, le Parti communiste est en quelque sorte mis en veilleuse. Et c'est à partir de l'invasion de l'Union soviétique et surtout à partir d'août 1941 que le Parti communiste français, mais c'est d'ailleurs la même chose, se lance dans la lutte armée avec ce geste très célèbre de Fabien à la station de métro Barbès où il tire et tue un aspirant de marine allemand qui s'appelle Moser. Et c'est le début de la lutte armée. Et petit à petit, vont être organisés des francs-tireurs partisans, c'est-à-dire la résistance armée dont l'objectif est de s'attaquer à des objectifs allemands, et puis en passage aussi aux collaborateurs, avec, pour les étrangers, les FDP-MOI. D'accord, donc ce sont des communistes. Quelle est leur relation avec la direction du Parti communiste? Ils sont un peu à part malgré tout ou ils sont bien dans la ligne? Alors, ils sont quand même globalement dans la ligne parce qu'il y a toute une hiérarchie qui mène au leader communiste de la résistance sur le sol français, puisque Thorez est en Union soviétique et Jacques Duclos, et tout un empilement hiérarchique qui fait qu'ils sont vraiment en lien avec la direction du Parti communiste qui est elle-même en lien avec l'Union soviétique, avec Moscou. Annette Vevorka, je propose que nous poursuivions cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Missak Manouchian, Au nom des autres, un texte de Brigitte Stora, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Michel Sidorov. Meine Herren, Heil Hitler! Aujourd'hui, nous allons juger de dangereux bandits coupables d'attentats contre les forces armées allemandes sur le sol français. Qui sont ces terroristes? Dans la plupart des cas, ce sont des juifs ou des communistes. Leur but étant l'avènement du bolchevisme international. Le sort de la France et des Français ne les intéresse pas. À l'hôtel Continental, rue de Rivoli, la salle du tribunal militaire allemand auprès du commandant du Grand Paris est pleine à craquer. Le président, un lieutenant-colonel allemand, s'adresse aux membres de la Gestapo et aux journalistes collaborationnistes venus en nombre assister au procès tant attendu de ceux de la fiche rouge. Messieurs, je vais vous présenter les hommes qui, pour 2300 francs par mois, ont accepté d'être des bandits. Et voici leur chef, Missak Manouchian. Manouchian, vous n'êtes plus au théâtre, asseyez-vous et gardez votre sourire méprisant. Silence, messieurs de la presse. Regardez bien cet homme. On dirait que c'est un homme intelligent, doux, cultivé. Mais je ne vous conseille pas d'aller vous promener avec lui dans les bois. Vous n'en reviendriez jamais. Il se fait appeler Michel, mais son vrai nom est Missak Manouchian. C'est lui qui transmet les ordres et c'est lui qui a dirigé les 52 attentats que le tribunal va traiter ce matin. Il est responsable de 150 morts et de 600 blessés graves. Comment vous, des apatrides, osez-vous piétiner ainsi le pays qui vous a accueilli? Nous avons combattu les nazis et nous ne regrettons rien. Nous avons fait notre devoir envers le pays qui nous a offert l'hospitalité. Ce grand patriote est un Arménien né en Turquie. Faites entrer les autres accusés. Voici Marcel Reimann, juif polonais. Celui qui se faisait appeler Simon Mojan, parfois même Tchapaïev, ou encore Michel Rougemont, pour participer à des compétitions de natation. Il les remportait aussi quelquefois. Taisez-vous, Manouchian. Ne vous laissez pas abuser par son visage et sa jeunesse. Cet homme est un tueur à sang-froid, un terroriste qui a plus de 13 assassinats à son actif. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense ? Quand j'ai tué, je me considérais comme un soldat de l'armée française se battant contre l'armée d'occupation. En tant que juif, je ne voyais pas d'autre issue que de prendre les armes contre vous. Voici un autre de leurs complices, Celestino Alfonso, le rouge espagnol. Comme eux, cynique, sans état d'âme, le regard vide, le crime est son métier. D'ailleurs, Celestino Alfonso a servi dans l'armée rouge espagnole. Non, dans l'armée de la République. Silence ! Silence ! Vos crimes sont nombreux, votre responsabilité collective. Unser Führer nous a envoyé un message. Il nous félicite de juger les assassins de Julius Retta. Lequel d'entre vous a osé l'abattre ? C'est moi ! Comment ça, c'est toi ? Non, c'est moi qui ai tué Ritter ! Toi, tu as jeté la grenade, mais Ritter n'était que blessé. C'est moi qui l'ai achevé en déchargeant mon pistolet sur lui ! Pourquoi veux-tu prendre seul la responsabilité de cette action ? Nous l'avons exécuté ensemble, et c'est ensemble que nous en partagerons la gloire ! Il ose parler de gloire ! Et lui, Manouchian, celui qui dirigeait l'opération, que dit-il ? Vous, les Allemands, je n'ai rien à vous dire. Dans le passé, vous avez regardé complice l'assassinat du peuple arménien. Aujourd'hui, vous exterminez les Juifs, semez la mort partout. J'ai fait mon devoir, qui était de vous combattre. Je ne regrette rien. Quant à vous, les journalistes, vous êtes français ? Nous avons combattu pour la libération de la France. Vous avez vendu votre âme à l'ennemi. Vous aviez hérité de la nationalité française. Nous l'avons mérité. Vous les avez entendus. Aucun nie ses crimes. Tous les revendiquent. À travers ce procès et ces visages, nous allons encore montrer que le crime est étranger et que le crime est juif. Que le crime, comme la guerre, est au service du judaïsme, du sadisme, du capitalisme et du bolchevisme juif. Sont condamnés à mort Celestino Alfonso, Olga Bancic, Josef Bokshov, Georges Kloarek, Rino Della Negra. Il ne me reste que quelques heures à vivre. Maurice. Ce matin, l'oiseau est revenu picorer les miettes de pain que j'avais posées derrière les barreaux de la fenêtre. Il n'a pas eu peur. Les doigts l'ont effleuré. J'aurais aimé pouvoir m'envoler d'un battement d'aile, comme lui. Je voulais pas être un héros. Ma vie, j'aurais voulu la vivre. Naître à une autre époque. Écrire. Aimer Méliné. Avoir des enfants d'elle. Nous étions en paix comme nos montagnes. Vous êtes venus comme des vents fous. Nous avons fait front comme nos montagnes. Vous avez hurlé comme des vents fous. Éternel, nous sommes comme nos montagnes. Et vous passerez comme des vents fous. Ce poème, écrit au sortir de l'enfance, avant que d'autres vents fous me rattrapent, Car Abed, mon frère, tu me manques tellement. Tu n'as jamais lâché ma main jusqu'à notre arrivée en France. La patrie de Victor Hugo, de la liberté. Le bout du chemin. On avait tellement vu de laideur, de cruauté. On avait soif d'art, d'amour. De justice. On voulait défendre la beauté du monde. La France. Je croyais qu'elle allait me protéger. Je ne savais pas qu'il faudrait aussi la défendre. Je revois ces dizaines de milliers d'hommes en brun qui, en 34, marchaient sur la République, qui voulaient la renverser. Ils ont presque réussi. Je sais pourtant que leur défaite est proche. Dommage, si près du but. 21 février 1944, à la prison de Fresnes. Missak Manouchian, 37 ans, attend son exécution. Il se souvient des émeutes du 6 février 1934. Ce jour-là, les ligues factieuses extrême droite avaient défilé par dizaines de milliers en direction de l'Assemblée nationale. Et c'est le jour où Missak décida de passer du syndicalisme ouvrier à l'engagement politique. Il devient responsable de Zangou, un journal pour l'immigration arménienne. Il y traduit Baudelaire, Victor Hugo, Rimbaud. Il prend aussi la direction du Comité de secours pour l'Arménie, une organisation liée à la main-d'œuvre immigrée, MOI, du Parti communiste. Et c'est à cette époque qu'il rencontre Méliné Assadourian. J'ai soif, pas toi ? Si. Allons à l'étage, il y aura moins de monde. J'adore ce lieu. On s'assoit dans ce petit coin, ça te va ? Oui, très bien. La Bellevilloise, ça c'est une vraie maison du peuple. Ils nous ont fait un beau concert, nos jeunes communistes. Je ne savais pas que tu aimais la musique classique. Dis-moi, pendant le concert, tu as écrit quelque chose sur un papier. Tu me le montres ? Oh non. Allez. Tu vas te moquer de moi. La musique de Mozart, c'est de l'eau pure qui descend lentement de la montagne. À ce contact, on se sent soi-même purifié et... Oh là là. Bon, pas sûr que j'en fasse un poème. Mais pourquoi pas ? Dis donc, moi non plus, j'ai pas aimé quand des camarades ont sifflé. Toi, tu t'es carrément mis en colère. Quels imbéciles. Sifflaient Bach, Beethoven. Comme si tout ce qui était allemand était maintenant nazi. La colère est grande, tu sais. Et la peur aussi. C'est vrai, mais c'est le nazisme qui est inhumain. On ne peut pas confondre les deux. L'art est humain. Il nous aide à vivre. Au fait, maintenant que je suis élue au comité central, j'ai bien envie de te proposer un article pour Zangou. Tu me publierais, mon cher directeur ? Avec joie. Et tu n'as pas besoin pour ça d'être au comité central. Je tiens à ce que tout le monde s'exprime, surtout les ouvriers. Tiens, aujourd'hui j'ai reçu la lettre d'un gars de Toulouse. Il commence en racontant la vie dans son usine. Les luttes syndicales. Après, il fait une analyse de la situation de la France, du monde. Une lettre bourrée de fautes d'orthographe, mais tellement pleine d'idées géniales. Ne t'inquiète pas, je ne fais pas de fautes d'orthographe. Je sais, Méliné. Je sais aussi qu'il n'y a pas assez de femmes qui s'expriment. Justement, mon article porterait là-dessus. La place des femmes de notre communauté dans l'engagement politique. J'ai hâte de te lire. Les hommes, eux, n'auront jamais une occasion de parler. Même quand c'est pour répéter ce qu'a dit le camarade précédent. Toi aussi, tu as remarqué. C'est aussi pour ça que parfois j'en ai marre de ces réunions qui durent des heures. Je t'ai pas demandé. Tu as une fiancée ? Oui. Tu veux voir sa photo ? Pourquoi pas ? Mais, Missak, c'est un miroir, pas une photo que tu me montres. Non, non. Regarde bien. Ce que tu vois, c'est le portrait de la jeune fille que j'aime. Alors c'est... C'est moi ? Toi. Missak et Méliné Assadourian ne se quitteront plus. Engagé volontaire lorsque la guerre éclate en septembre 1939, Missak est démobilisé avec la défaite en juin 1940. Sous l'occupation, le militantisme de Missak et de Méliné devient clandestin. Dès 1941, ils s'investissent dans ce qu'on appelle le travail allemand, qui consiste à démoraliser des soldats allemands afin de faciliter leur désertion, voire leur entrée en résistance. Le TA est organisé par la MOI, main-d'œuvre immigrée. Il s'agit des sections immigrées du Parti communiste. Les militants sont des étrangers, apatrides pour certains, juifs, arméniens, républicains espagnols, italiens antifascistes, allemands antinazis. L'internationalisme est le cœur de leur engagement, ce qui leur vaudra souvent une certaine méfiance de la part de la direction du PC, inféodée à Moscou. Méliné est très proche des Aznavourians, une famille de musiciens qui l'ont longtemps hébergé. Micha et Knar Aznavourian, les parents de Haïda et d'un certain petit Charles, aident aussi la résistance. À leur domicile du 22 rue Navarin, dans le 9e arrondissement parisien, la fête bat souvent son plein. Une fête qui sert souvent de couverture à des activités plus dangereuses. Méliné, c'est moi. Personne ne t'a suivi ? Non, pas d'inquiétude. Ah, on dirait que j'arrive après les invités. Ce sont pas des invités, c'est la famille. Il reste encore quelque chose à manger, je suis mort de faim. On a tout mangé, c'était tellement bon. Mais non, Olga plaisante. Il reste du taboulé, du houmous, des baklava et des kadaïfs. On pourrait sortir les bonnes choses, maintenant que les flics sont partis. Les flics ? Oui, à peine 5 minutes avant que tu arrives, il s'inquiétait du bruit. J'avais déjà imaginé sauter par la fenêtre, mais Micha s'est mis à chanter à tue-tête. Il les a invités à boire avec nous. Ils nous ont fait trinquer à la santé du maréchal. Ce verre-là, on peut le jeter. Allez, levons nos verres à la résistance. À la résistance, au socialisme. Vive la France, vive l'Arménie. Vive le mouvement ouvrier international. Méliné, tu viens ? C'est pour demain ? Oui. Regarde. Knar nous a préparé nos sacs de provisions. Tu dois le prendre ce soir. On se retrouve à 10h demain matin. Métro Alexandre Dumas. Mm-hmm. Tiens, ton panier de légumes, il est lourd. Ah oui, pas mal. Waouh ! Oh, le tien encore plus. Des carottes, des navets, des pistolets. Chut ! Remets la serviette dessus. Les landaus, c'est mieux. Il suffit de les pousser. Tu te rappelles quand on avait un arsenal planqué sous les jolis petits pieds de Dolores ? Comment va ta fille, d'ailleurs ? Bien. Le parti pense qu'il vaut mieux qu'elle soit à la campagne. Ils ont sûrement raison, mais elle me manque tellement. Demain, après la mission, vous y allez avec Alexandre ? On est vendredi, non ? Tu as de la chance d'avoir un enfant. Toi aussi, Méliné, tu en auras. Après la guerre, on aura des familles. Une seule et même grande famille. C'est Olga Bonchik qui est chargée par la MOI de transporter les armes, puis de les récupérer après les actions. Cette juive communiste, née en 1912 en Roumanie, s'est engagée dès l'adolescence. En 1938, après plusieurs incarcérations, elle a réussi à s'enfuir et à s'exiler à Paris avec son jeune mari Alexandre Jarre. Ensemble, ils comptaient rejoindre les brigades internationales en Espagne, mais la naissance d'une petite fille, Dolores, a ralenti leur course. C'est alors qu'Olga s'est engagée dans la MOI. La majorité des résistants de la MOI sont très jeunes et habitent les quartiers populaires de Belleville et de République. Les persécutions et les rafles y sont quotidiennes. L'engagement des Juifs dans la résistance est important. Il faut dire qu'à cette époque, ils ne diminuent guère leurs chances de survie. Marcel Reimann est l'un d'entre eux. Celui que la presse collaborationniste appellera « l'ange tueur » n'hésite pas à abattre des officiers SS. Pourtant, un jour de janvier 43... Je n'ai rien entendu. Et toi ? Chut ! Viens t'abriter sous ce porche. On n'a pas entendu d'explosion. Au moins, il n'est pas blessé. Tu crois que Marcel s'est fait arrêter ? Non, je crois pas. On a vérifié les rues autour. Et puis il court vite, notre Marcel. Il est où ? Tu crois qu'il a pu changer ses plans sans nous prévenir ? Ça lui ressemble pas. Regarde, il arrive. Désolé les gars. J'ai pas pu. Pas cette fois. D'habitude, les officiers SS, tu les abats comme des mouches. Pardon, Misak. Calme-toi, camarade. Raconte. C'est bien la première fois que t'as des états d'âme. Mais c'est pas des états d'âme, il était là comme prévu. Dans son uniforme impeccable, la mort sur la ceinture. D'habitude, l'uniforme, ça t'impressionne pas. J'étais pas impressionné, j'étais juste dégoûté, tu comprends ça ? Dégoûté. Main fort ! On va être repérés. dégoûté, c'est ça? C'est bon, Celestino. Écoute-le. Il buvait, il fumait, il riait, il prenait du bon temps. Mais il était avec une femme. Et j'ai pas pu. T'as eu raison, Marcel. T'inquiète pas. On l'aura une prochaine fois. Eux n'ont pas ce genre de scrupules. Même les policiers français. Tous les jours, ils arrêtent des femmes, des enfants. Et ton père? Mais tu crois que j'y pense pas? Chaque fois que j'en croise un, j'ai envie de le descendre. Et des fois, j'y arrive. Sans scrupules, comme tu dis. Mais je peux pas tuer une femme. Tu comprends ça? On est tous d'accord avec toi. Tous. On n'est pas des assassins. Et on veut pas leur ressembler. C'est aussi ça, leur résister. C'est bon, les gars. Maintenant, on se tire d'ici avant d'être repérés. T'inquiète pas, Marcel. On le retrouvera. En février 1943, la direction des FTP-MOI demande à Missak de prendre le commandement militaire et politique de son groupe. Ils ne veulent plus d'actions individuelles et désordonnées et exigent des actions ciblées. Chez nous, on a 3 mois de survie au mieux, lui dit un responsable. Je n'ai pas peur de la mort, lui répond Manouchian, mais je ne veux pas la donner. Missak finit par accepter à contre-cœur cette responsabilité, car il sait aussi que ses jeunes camarades ont besoin de discipline pour former une véritable armée. C'est Marcel Reymann qui l'initie au maniement des armes. Alors, pas mal, Missak. T'es plutôt doué. Tu sais, je m'attendais pas à entraîner un homme comme toi. T'entraînes bien les autres. Et puis t'es un champion toute catégorie, non? Michel Rougemont, le champion de natation, c'est toi? Ou je me trompe? Peut-être bien, ouais. La natation, les virées entre amis, les filles, ouais. C'est ça que t'aimes vraiment, hein? Ouais. C'est aussi pour ça que t'es pas toujours assez prudent. Et tu veux que je fasse quoi? Que j'accepte qu'on m'interdise les piscines, le cinéma? Non, j'ai pas vraiment envie de mourir avant qu'il m'ait chopé. Fais attention, Marcel. Bon, allez, soldat, entraîne-moi. Ok, mon camarade chef. Maintenant, on passe à la grenade. Regarde bien. Oh, j'aime pas beaucoup ces trucs. Une fois sur trois, elles explosent dans la main. Le mois dernier, on a perdu 2 camarades comme ça. Alors, regarde comment on la tient. Une grenade, c'est jamais aussi précis qu'un tir de pistolet. Tu dois d'abord identifier la position ennemie rapidement. Tu dois surtout pas la garder en main longtemps. Tiens, prends-la. Comme ça? Non. De la main droite, toujours. L'autre bras dans la direction de la cible. Voilà. Dans ta paume, là. La goupille vers toi. C'est ça. Avec le pouce, tu appuies sur le levier et tu ne relâches pas la pression avant de l'avoir lancée, sinon le percuteur peut tourner et frapper l'amorce. C'est là qu'elle peut exploser dans la main. C'est bon, ça? Tu t'en sors mieux qu'avec un flingue? Je croyais pas qu'un jour j'aurais besoin de tuer. Mon père avait un fusil juste pour la chasse. Mais quand ils sont venus dans mon village, lui aussi, il a tiré. C'est le dernier souvenir que j'ai de lui. J'aurais bien aimé voir mon père mourir l'arme à la main et pas partir entre 2 flics sans que je puisse rien y faire. Il s'appelait comment, ton père? Gvork. C'est joli. Le mien, c'était Moïchek. T'en parles au passé? Il a été raflé en août 41. On n'a aucune nouvelle. On sait bien ce qui se passe, non? C'est à ça que je pense quand j'ai l'occasion d'en buter un. C'est incroyable! On arrive en même temps! Mais Liné, c'est bon de te retrouver! Et l'amour après. Tu veux bien? Tout le thé que tu voudras. Cette nuit, on reste ensemble, quoi qu'il arrive. D'accord. Knar et Mich comprendront. C'est ma famille, tu sais. Je sais. J'aimerais que nous aussi, on ait une vraie famille. J'ai accepté ta décision. Elle t'appartient. J'aurais tellement voulu que tu le gardes. Arrête, Missak. Je veux plus en parler. Tu le sais, un enfant de toi, c'est mon plus grand rêve. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on aurait fait si je l'avais gardé? On l'aurait mis en nourrice à la campagne? Comme la fille d'Olga et Alexandre. Je ne te reproche rien. Tiens, bois ton thé. À midi, j'ai déjeuné chez les parents de Tom à Sélec. Comment va sa mère? Moins enjouée qu'avant. Ah, quand j'y pense, il n'y a pas si longtemps, elle disait « Rien ne nous arrivera au pays des droits de l'homme ». C'était avant les rafles. Misak, à mon avis, elle sait que son beau petit Tommy a rejoint la résistance. Tu crois? Et elle nous en veut? Non. Elle m'a même fait comprendre qu'elle en était très fière. Thomas, il est incroyable, tu sais. Tu te souviens? La bombe, dans la librairie allemande. Eh ben, c'était lui. Notre petit Tommy? C'est pas vrai? Raconte. Dans la bibliothèque de son père. Thomas avait trouvé une vieille édition du Capital de Marx. Il l'a évidée et y a placé une bombe. Oh, mais quoi? Il est entré dans la librairie pour déposer le livre? Oui. Il a dû bien rire en le posant au milieu des horreurs fascistes. Ils auraient dû se méfier dans cette librairie allemande. Un livre de Marx. C'était suspect. Oh oui, explosif. Le 28 septembre 1943, le groupe Manouchian s'apprête à réaliser son plus grand fait d'armes. On leur a signalé qu'une grosse Mercedes au fanion à croix gammée part chaque matin du 18 rue Pétrarque à Paris dans le 16e arrondissement. On sait qu'il s'agit d'un haut dignitaire nazi, mais on ne connaît pas son identité. 8h30 du matin, Léo Kneller, un militant allemand anti-nazi, Marcel Reimann et Celestino Alfonso sont sur place. Missak supervise l'opération. Oh vache, ça c'est de la bagnole. Regarde. Elle vient le chercher. Il va pas tarder à sortir. Il est ponctuel. Comme nous. Tu sais qui c'est? Quelqu'un d'important. Regarde les fanions. Morgen, Anton. Auf geht's. Ça y est, il est dans la bagnole. C'est bon, Kneller est en face. Tiens-toi prêt. J'y vais. On l'a eu? Il décolle. Oh, merde! Il sort de la voiture. Je m'en occupe. C'est bon, je l'ai buté. Repli. Marcel, le flic, cours! Hey, vite, vite, vite! Prenez mon vélo, l'ami. Merci. Café de la poste! L'exécution de Julius Ritter est une véritable gifle pour Berlin. L'Allemagne déclare un deuil national. Des obsèques officielles sont données à la Madeleine. Les mailles se resserrent autour du groupe Manouchian. Pourtant, la direction du Parti communiste refuse la trêve. En cas de désobéissance, prévient-elle, ils seront considérés comme déserteurs. Leurs jours sont comptés, ils se savent suivis, mais ils multiplient pourtant les attentats. Le 15 novembre 1943, dans un café de la rue du Cherche-Midi, Missak et Méliné retrouvent Olga Bonchik. Elle leur remet une boîte, mais la police fait irruption dans le café. Dans la confusion, les trois résistants réussissent à s'enfuir en ordre dispersé. Ils se retrouvent finalement chez les Aznavourians. Méliné, oh Kiss, mon âme. J'ai cru que je ne te reverrais plus. Cette fois-ci, on l'a échappé belle. Je m'en suis voulu de t'avoir laissé le paquet. Qu'est-ce que vous avez fait après? On a couru au métro. Tout le monde se bousculait dans l'escalier. Sur le quai, d'autres flics étaient là. Ils arrêtaient tout le monde. Tu avais toujours la boîte? Tu savais ce quelqu'un fait? Oh oui. Oh, vu le poids, j'ai compris que c'était pas des baklava. Comment vous avez fait? Olga a avancé. L'air tranquille, ils l'ont pas contrôlé. Moi, un policier m'a demandé ce que j'avais dans mon sac. Hein? Tu lui as dit quoi? Et la vérité. J'ai dit, monsieur l'agent, ce sont des armes, bien sûr. Tu lui as dit ça? Et il n'a pas vérifié? Non, il s'est fâché. Il m'a dit qu'on ne devait pas plaisanter avec ces choses-là, que c'était pas un jeu et qu'une autre fois, ça se passerait pas comme ça. Il m'a poussé. Allez, circulez. Tu vois, j'avais raison de garder le paquet. J'ai toujours su que j'avais plus de chance que toi. Et toi? Je suis là, avec toi. Mélinée, on me demande encore une action demain. Ah non, pas demain. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je sais, c'est bizarre. C'est trop dangereux. Mais qu'est-ce que je peux faire? N'y va pas, Misak. Annule-la. C'est impossible, il est trop tard pour prévenir les autres. Je dois y aller et leur dire qu'il faut tout arrêter pour l'instant. Si je n'y vais pas, ils risquent de se faire prendre sans moi. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Misak, tu sais, je pourrais pas vivre sans le velours de tes yeux. Reste avec moi ce soir. Je veux qu'on dorme ensemble. Le 16 novembre 1943, Misak Manouchian doit rencontrer Joseph Epstein, le responsable des FTP-MOI pour l'ensemble de la région parisienne. Le rendez-vous est prévu à 9h sur les berges de la Seine à Évry. Manouchian et Epstein se font signe l'un à l'autre de s'éloigner. Mais ils sont rapidement encerclés et n'auront pas le temps de se défendre. Le même jour, à 13h30, rue du docteur Paul Brousse à Paris, Marcel Reymann et Olga Bonchik sont arrêtés à leur tour. Dans les heures qui suivent, tout le groupe tombe. Au total, 23 arrestations ont lieu ce jour-là. Pendant les 3 mois qui les séparent de leur procès, Misak et ses 22 camarades sont sauvagement torturés à coups de nerfs de bœuf dans les locaux des brigades spéciales. Puis, on les prend en photo afin de produire une affiche de propagande, la fameuse affiche rouge. Près de 15 000 affiches sont placardées sur les murs de Paris et des grandes villes. Sur les 23 condamnés, 10 visages ont été choisis avec ce slogan « Des libérateurs, la libération par l'armée du crime ». Jugée en même temps que ses camarades, Olga Bonchik fut aussi photographiée, mais son visage ne figurera pourtant pas sur l'affiche rouge. Chaque jour, la torture, la douleur, les hurlements et notre consolation, leur rage face à notre silence. Olga, j'entends encore tes sanglots. Es-tu toujours en vie? Je me rappelle ton rire en cascade quand Mélinée t'avait parlé en yiddish. À l'époque, tu le comprenais bien mieux que le français. Tu n'en revenais pas qu'on puisse apprendre ta langue, celle des tiens. Ils t'ont transféré en Allemagne. Il paraît que ces barbares raffinés réservent aux femmes un traitement spécial. Elles n'ont pas droit au bal. Elles doivent être décapitées. L'horreur me submerge. Le 10 mai à 5h20, elle est guillotinée, le jour de ses 32 ans. 3 mois plus tôt, le 23 février 1944, ses 22 camarades de la MOI, contrairement à elle, ont pu regarder dans les yeux leur bourreau. Ils ont refusé le bandeau. Ils refusaient les yeux ouverts, ce que d'autres acceptent les yeux fermés, écrira René Char. Beaucoup d'entre eux ont écrit avant de mourir, des lettres pleines de tendresse, des déclarations d'amour à la vie. « Je t'aime, je t'embrasse, je t'adore et vive la vie », écrit Marcel Reymann à sa mère, dont il ne sait pas qu'elle a déjà été assassinée à Auschwitz. La dernière lettre de Manouchian à Mélinée, sa petite orpheline bien-aimée, deviendra poème sous la plume de Louis Aragon, puis chanson grâce à Léo Ferré. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon honneur. Et pour accomplir ma dernière volonté,

qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. L'affiche rouge de Léo Ferré, bien sûr, hein, sur un poème de Louis Aragon. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, à la technique Kevin Pelot. Annette Vivorca, donc cette chanson de 1961, donc Louis Aragon avait écrit ce poème quelques années auparavant, l'écrivain compagnon de route du Parti communiste, bien inspiré, peut-être on pourrait dire pour une fois, avec ce poème, écrit donc au lendemain de la guerre. C'est un très beau poème, et la chanson, enfin le poème et la chanson font souvent plus pour la mémoire collective que bien des ouvrages d'histoire. Ah oui, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Et il faut dire que cette lettre aussi de Manouchian, c'est une lettre bouleversante, incroyable, de l'humanité. C'est une lettre poignante d'une personne qui rêvait d'être écrivain, qui rêvait d'être poète, et comme il est dit dans la fiction, qui ne rêvait certainement pas d'être un héros et qui certainement n'était pas destiné à tuer. Donc on peut dire quand même que une personne comme Isaac Manouchian a été vraiment pris par l'histoire. Une première fois parce qu'il a été un des survivants avec son petit frère du génocide des Arméniens perpétré par les Turcs, qu'il a réussi à se réfugier, à passer au Liban, puis qu'il est venu en France et qu'il a été une seconde fois repris par l'histoire avec l'invasion de la France et cet engagement communiste qui était antérieur à la résistance. Et il dit « Je meurs sans haine pour le peuple allemand ». C'est quand même héroïque de dire ça. C'est héroïque, mais c'est aussi un peu la ligne communiste. Oui, certes, mais parce que, il faut quand même le dire. Voilà, parce que la distinction a toujours été faite, les nazis ne représentaient pas le peuple allemand. Est-ce que Méliné, comme lui a demandé Missak, est-ce qu'elle se mariera et aura un enfant ? Non, je ne crois pas. Ce qui se passe pour les Arméniens, c'est quelque chose de très particulier. C'est qu'il y a une Arménie soviétique et que Méliné, comme d'autres, vont, après la guerre, rejoindre cette Arménie soviétique avant de revenir en France ensuite. Et je pense qu'elle vivra dans le souvenir de son Missak. Amour pour Missak et de cette lettre si belle. Toutes les lettres, d'ailleurs, sont belles. Et en général, elle s'adresse à quelqu'un que la personne a aimé. Et pour Marcel Reimann, c'était sa mère. Et qui, évidemment, à ce moment-là, il ne le sait pas. Puisqu'elle partageait la planque avec le petit frère, Simon, qui lui a aussi été arrêté. On peut signaler aussi le cas de Joseph Epstein, qui était celui avec alors lequel Joseph Epstein, c'est avait très rendez-vous Missak. Voilà, c'est très intéressant parce que ça montre bien aussi les hiérarchies. Il rencontre toutes les semaines Joseph Epstein, qui lui est un ancien de la guerre d'Espagne et qui est le responsable des FTP en général. Et Epstein va tellement pas parlé. Il y en a beaucoup qui ont parlé. On héroïse oui, ces personnes. Bien sûr, mais ils ont non, été atrocement torturés. Il est arrêté sous le nom d'Estin, né au Bouscat, en Gironde. Et il va être enterré au cimetière parisien d'Ivry, sous un nom qui n'est pas le sien, car même son nom n'a pas été découvert. Vous disiez que certains ont parlé. C'est peut-être à cause justement d'un résistant arrêté, torturé, que le réseau est tombé. Des grands mystères alors, de l'histoire. La fiction, elle héroïse, bien évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de fiction. Mais je crois que les choses sont quand même un peu plus prosaïques. En fait, la brigade spéciale 2... Qu'est-ce que c'est ? Files, qui sont de la police française qui a été mise sur pied particulièrement pour suivre les communistes, les résistants communistes, commence ses filatures très tôt, puisque cette chute de ceux qui seront sur la fiche rouge est en fait la troisième grande chute de la sous-section yiddish de la MOI. Une première chute qui est celle des jeunes, avec notamment Henri Krasucki, dont on se souvient comme secrétaire général de la CGT. Une seconde chute qui est celle des adultes, Et c'est la troisième. Donc, aujourd'hui, on a quand même les archives, toutes les archives policières qui ont été ouvertes. Et on sait très bien que ces chutes ont été très méticuleuses et que tout le monde a été logé, comme on dit en jargon policier, et que c'est à un moment donné que les brigades spéciales décident du coup de filet. Mais il y a quand même, malgré tout, deux histoires de traîtres. Pour les jeunes, Krasucki et les autres, c'est une femme qui est devenue très célèbre, et c'est comme l'affiche rouge, il y a plein de romans, c'est des personnages de romans, on a envie de faire de la fiction. Rouquine. La fameuse rouquine, Lucienne Goldfarb, Kayla Goldfarb. Et pour ceux de l'affiche rouge, un homme qui s'appelle Joseph Davidovitch, qui a été effectivement arrêté, qui a effectivement été torturé, qui a effectivement parlé, que la police a essayé de retourner, et qui a été interrogé et exécuté, probablement par Boris Holban et un autre qui s'appelait Abraham Lissner, donc, en décembre 1943. Donc par les communistes qui ont décidé de le supprimer. Parce qu'il aurait parlé. Donc le réseau Manoukian, pour vous, Anna Vivorka, il n'a pas été non, pour moi, lâché par le Parti pour communiste. Pour moi d'abord, non, il n'a pas été lâché par le Parti communiste. Et ils sont surtout tombés par un travail méticuleux de la police qui les repère, ils sont à plusieurs, ils les suivent, ils les logent. Quand ils se méfient trop, ils les lâchent pour les reprendre. Ils avaient leurs habitudes, ils allaient régulièrement dans les mêmes restos, ils allaient, c'est dit, à la piscine, hein. Ça facilitait la filature, et dans les planques, on a toujours trouvé énormément de documents, et parfois même des armes. Mais est-ce que le fait qu'ils étaient un peu plus internationalistes, etc., le fait qu'ils étaient aussi des étrangers, des juifs, est-ce que ça a porté préjudice à l'image de bons français que le Parti communiste peut-être souhaitait donner de lui-même, surtout vers la fin de la guerre ? Alors, c'est ce qui explique qu'ils aient été gommés, rayés de la mémoire communiste après la guerre. C'est-à-dire que quand Torres revient d'Union soviétique, le Parti communiste est vraiment français, patriote, uniquement patriote. Donc on n'allait pas mettre en avant ce qu'avaient fait ces étrangers. Donc je crois que ça explique le silence. Mais donc aucun historien aujourd'hui qui a travaillé sur ces questions-là, je pense au travail de Berlière, au travail de Liègre, enfin au travail d'un certain nombre de mes collègues, ne pense aujourd'hui que le Parti communiste les a donnés. Et en règle générale, on minore aujourd'hui le rôle de ces deux traîtres qui ont vraiment... Lucienne n'a absolument pas trahi. Hein. Pour trahir, il faut être dedans. Donc elle n'était pas dedans, elle a... permis d'amorcer la filature. Elle est innocente. Elle n'est pas innocente, mais elle est beaucoup moins coupable que ce qu'on a voulu dire. J'ai retrouvé beaucoup de choses sur elle. En tout cas, merci beaucoup, Anna Vivorka, de nous avoir rappelé cette histoire tragique. Vous êtes l'auteur, je le signale, de « Ils étaient juifs, résistants communistes » chez Perrin. À lire également « Missak » de Didier Deninx et « Le sang des étrangers » de Stéphane Courtois, Denis Péchanski et Adam Raïski. C'est la fin d'Autant en emporte l'histoire. Cette émission était en nouvelle diffusion. Vous pouvez la réécouter ou la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons au 19e siècle dans un hameau du bocage normand à la rencontre d'un criminel, Pierre Rivière. Le 3 juin 1835, dans la commune d'Aunay-sur-Odon, en plein bocage normand, ce jeune homme de 20 ans, paysan et fils de paysan, tue à coups de serpe sa mère, sa sœur et son frère. Une affaire criminelle qui, par son étrangeté, sera exhumée dans les années 1970 par le philosophe Michel Foucault. 1835, Pierre Rivière, paysan, parricide et écrivain, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.